Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine qui sera encore sans jours fériés. Mais pas de panique, les jours fériés reviennent vite et on va nous revenir un peu sur l'actualité du week-end. Et c'était notamment l'Eurovision et malheureusement Marie-Myriam n'a toujours pas trouvé de successeur. Bilal Hassani avec son titre Roi a terminé 14e de l'Eurovision qui a été remporté par le Pays-Bas. Allez, on commence cette nouvelle semaine en ce lundi 20 mai en souhaitant une bonne fête aux Bernardins. Ça vient du germanique signifiant courage ours. Réservés, méfiants et prudents, les Bernardins ne sont pas très à l'aise dans les rapports humains. Derrière leur abord froid et distant se cache une sensibilité douloureuse car difficile à exprimer. Aussi gagnent-ils à être connus. Ils ont peu confiance en eux-mêmes et sont des inquiets, doutant sans cesse, en proie au scepticisme, voire au pessimisme. Peu instinctifs, ces hommes préfèrent s'appuyer sur les démarches sensées de leur jugement. Ils sont souvent intellectuels ou cérébraux et croient davantage en leurs efforts personnels, leur capacité de travail, leur discipline, qu'en la chance pure. Ils ont des principes, une moralité un peu stricte, des scrupules plus ou moins étouffants. Ils manquent souvent de souplesse et d'adaptabilité et tendent à être obstinés. Ils détestent ce qui est artificiel ou léger et en homme stable recherchent la sécurité, notamment sur un plan financier, d'où une nette tendance à l'économie. Ils avancent lentement mais sûrement et ne sont pas ennemis d'une certaine routine, la fantaisie leur faisant parfois défaut. Écologistes dans l'âme, ils sont proches de la nature, ont également horreur du bruit, de la foule et recherchent un certain isolement. Ils sont tout à fait favorables au dicton pour vivre heureux, vivons cachés. Plutôt cartésiens, leur esprit est rationnel et analytique. Ils ont le sens des détails et une lucidité à toute épreuve car ils aiment garder la tête froide. Pourtant, de par le set karmique, les Bernardins peuvent parfois être tentés par l'irrationnel, la spiritualité et le monde de l'étrange. Il est vrai qu'ils donnent souvent l'impression d'être des personnages quelque peu énigmatiques. Dicton du jour à la Saint-Bernardin, compte tes barriques de vin. À la Saint-Bernardin, plus de gelée ne craint. Pluie à la Saint-Bernardin, vigneron, pleure ton vin. S'il gèle à la Saint-Bernardin, adieu le vin. Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des abeilles, adoptée par l'ONU le 18 octobre 2017. Journée mondiale de la métrologie, célébrée à la suite de la Convention du Maître, signée en 1875. Au Cameroun, c'est la fête nationale en mémoire du 20 mai 1972, date du référendum qui mit fin au fédéralisme. Et au Timor oriental, c'est la fête de l'indépendance vis-à-vis de l'Indonésie en 2002. Allez, pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 20 mai. On marque donc une première pause musicale avec Cher et le titre Believe. No matter how Cher et le titre Believe sur RGM. Allez, il est presque 8h38, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 20 mai 1944, naissance d'Armand Altaï, professeur de chant française qui a été notamment professeur de chant à la Star Academy. 1946, naissance de Cher, chanteuse actrice américaine vue dans Suspect dangereux, Les sorcières d'Eastwick, Burlesque, Mamma Mia et We Will Go Again dans le rôle de Ruby Sheridan, la série télé Will & Grace, elle a remporté un certain nombre de trophées, dont le prix d'interprétation féminine à Cannes, plusieurs Golden Globes et un Oscar de la meilleure actrice en 1988. 1948, naissance de John Hamill, réalisateur britannique, son plus grand succès est Haute Voltige avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones. 1956, naissance de Dean Butler, acteur américain, vu dans la série La Petite Maison dans la Prairie dans le rôle d'Almanzo James Wilder ou encore Buffy contre les vampires dans le rôle de Hank Summers. 1960, naissance de Tony Goldwyn, acteur réalisateur américain vu dans Saint Elsewhere, Ghost dans le rôle de Karl Brunner, L'affaire Pélican, Divergente 1 et 2 dans le rôle d'Andrew Prior, la série télé FBI portée disparue, Dexter dans le rôle du docteur Emmett Meridian, Scandale dans le rôle du président des États-Unis Fitzgerald Thomas Grant, troisième du nom, réalisateur de plusieurs épisodes de la série Dexter et Scandale. 1967, naissance de Paul de Grèce, diadoque de Grèce et prince de Danemark. C'est également l'année de naissance de Gabriel Muccino, réalisateur italien à qui l'on doit le film À la recherche du bonheur avec notamment Will Smith. 1968, naissance de Timothy Oliphant, acteur américain, vu dans 60 secondes chrono dans le rôle du détective Derrickoff, Die Hard 4 dans le rôle de Thomas Gabriel. Il sera bientôt à l'affiche du film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Il interprétera le rôle de James Stacy et vu dans la série Deadwood dans le rôle de Seth Bullock. C'est également l'année de naissance de Pierre Tessier, acteur français de doublage, voix française régulière de Ryan Reynolds depuis 1995. 1971, naissance de Samuel Etienne, journaliste animateur télé français qui depuis février 2016 présente l'émission Question pour un champion. 1972, naissance de Christophe Dominici, ancien joueur international de rugby français devenu entraîneur. Il a fait sa carrière de joueur de 1991 à 2008 en jouant à Lavalette, Toulon, au Stade Français Paris. En tant qu'entraîneur, il a été l'entraîneur entre 2008 et 2009 des arrières du Stade Français Parisien. C'est également l'année de naissance de Busta Rhymes, rappeur américain, qu'on va tout de suite écouter avec Mariah Carey. Le titre, c'est I Know What You Want. Allez, tout de suite, petit extrait. Shorty, I know what you need. I got everything you need. I promise I ain't gonna hold out, neither. I'm gonna give it all to you, baby. Swear to God. Bust it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. For a few years, shed a few tears, called each other nicknames like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home. Always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated, patience getting short, how longer can you tolerate it? Listen, ma, I'm just motivated. I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it. Hey, yo, to really be honest, you stuck with me through my whole struggle, can't even express the words. Voilà pour l'extrait de Busta Rhymes. Allez, on continue les anniversaires. 1973, naissance d'Elsa, chanteuse actrice française vue dans La Femme de ma vie, la série télé Section de recherche, Famille d'accueil ou encore la saison 2 des Bracelets rouges. 1981, naissance d'Iker Casillas, footballeur espagnol évoluant au poste de gardien de but qui entre 1999 et 2015 a joué au Real Madrid. Depuis 2015, il joue au FC Porto. À noter qu'il a remporté la Ligue des Champions à trois reprises, en 2000, en 2002 et 2014, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale. 1982, naissance de Petr Serge, footballeur tchèque, gardien de but professionnel depuis 1999, qui a joué au club de Chmel Bzani, au Sparta Prague, au Stade Rennais, Chelsea, et depuis 2015, il joue à Arsenal. C'est également l'année de naissance de Clément Pointrenaud, ancien joueur de rugby à 15 français, devenu entraîneur. De 2001 à 2016, il a joué pour le Stade Toulousain. En 2017, il a joué pour l'équipe de Sharks. Et depuis 2018, il est l'entraîneur espoir du Stade Toulousain. C'est aussi l'année de naissance de Donald Reignoux, comédien français de doublage, voix française régulière d'Adam Brody, ainsi qu'entre autres une des voix de Channing Tatum ou encore Joseph Gordon-Levitt. 1984, naissance de Naturi Norton, chanteuse américaine et actrice, connue pour avoir incarné Denise dans le film Fame, mais Fame version plutôt récente, hein, année 2010. Et elle interprète notamment le titre phare. Et on écoute tout de suite un extrait. Baby, look at me. Voilà pour l'extrait de Fame interprété par Naturi Norton. On continue les anniversaires. 1985, naissance de Christopher Froome, coureur cycliste britannique qui a remporté 6 grands tours, hein, le Tour de France 2013, 2015, 2016, 2017, le Tour d'Espagne 2017 et le Tour d'Italie 2018. C'est un classement annexe de grands tours, le classement de la montagne du Tour de France 2015, du Tour d'Italie 2018, le classement par points du Tour d'Espagne 2017, le classement du combiné du Tour d'Espagne 2017, le prix de la combativité du Tour d'Espagne 2014. Il a remporté également le Tour de Romandie en 2013 et 2014, le Critérium du Dauphiné en 2013, 2015 et 2016, et 14 étapes de Grand Tour, 5 sur le Tour d'Espagne, 7 sur le Tour de France et 2 sur le Tour d'Italie. En 1506, décédé Christophe Colomb, marchand navigateur d'origine italienne au service des rois catholiques espagnols. En 2009, décédé Lucy Gordon, actrice britannique, vue dans Les Poupées Russes dans le rôle de Celia Shelby, Burn, Spider-Man 3 dans le rôle de Jennifer Dugan ou encore Gainsbourg Vie héroïque dans le rôle de Jane Birkin. En 2012, décédé Robin Gibb, musicien, chanteur britannique des Bee Gees. Et en 2013, décédé Ray Manzarek, claviériste américain du groupe The Doors, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Light My Fire. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And I love. Voilà pour l'extrait du groupe The Doors. Allez, tout de suite, on s'écoute Elsa avec son titre T'en vas pas. Thank you. d'Elsa sur le 107 FM. Il est presque 8h51. Allez, on se dépêche, on fait un point météo. La météo. Eh bien, aujourd'hui, ce sera très nuageux et également pluvieux. Des températures comprises entre 12 et 13 degrés ce matin, entre 15 et 16 degrés pour cet après-midi. Demain, ce sera le retour des éclaircies avec encore quelques averses à prévoir demain matin. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 16 et 18 degrés l'après-midi. Mercredi, éclaircies également. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 17 et 19 degrés mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On va commencer avec du football, mais du football féminin. Et oui, odeur aux dames, puisque ce week-end, samedi précisément, c'était la finale de la Ligue des Champions. Elle opposait l'Olympique Lyonnais à Barcelone et ce sont les Lyonnaises qui se sont imposées 4-0. Les 4 buts lyonnais ont été inscrits dans les 30 premières minutes de la rencontre. Et c'est la 4e Ligue des Champions consécutive pour les Lyonnaises. Absolument incroyable ce qu'elles réalisent. Allez, on parle des résultats résultats de la Ligue 1 maintenant avec la victoire de Reims 1-0 à Bordeaux. Guingamp et Nîmes ont fait match nul 2-2. Lille s'est imposé 5-0 face à Angers. Lyon s'est imposé 4-0 face à Caen. Monaco s'est imposé 2-0 face à Amiens. Montpellier et Nantes ont fait match nul 1-0. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-0 face à Dijon. Saint-Étienne s'est imposé 3-0 face à Nice. Rennes s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Strasbourg. Et Marseille s'est imposé 5-2 sur la pelouse de Toulouse. Ce qui nous donne donc les qualifiés pour la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Lille et également l'Olympique Lyonnais et Saint-Étienne. Quant à eux, ils devront se contenter, mais c'est déjà pas si mal, de la Ligue Europa. Et dans les clubs étrangers, en Allemagne, c'est le Bayern Munich qui a été sacré champion. Au Portugal, c'est le Benfica. En Angleterre, c'est Manchester City. Je vous rappelle qu'en Espagne, c'est le FC Barcelone et qu'en Italie, c'est la Juventus de Turin. En Ligue 2, Nancy s'est incliné 3-0. C'était à Béziers et Metz s'est imposé 1-0 face à Brest. Et hier avait lieu la remise des trophées UNFP. Pour le palmarès de la Ligue 1, le meilleur joueur, c'est Kylian Mbappé. Meilleur espoir, Kylian Mbappé. Meilleur gardien, c'est Maignan qui joue à Lille. Le meilleur entraîneur, c'est Galtier de Lille. L'équipe type, eh bien, on retrouve notamment Mbappé aux côtés de Neymar, Pepe, Di Maria, Ndombele, Verratti, Mendy, Silva, Marquinhos, Lala ou encore Maignan. Le plus beau but revient à Rémy de Lille. Le meilleur arbitre de la Ligue 1, c'est Turpin. Le meilleur joueur français évoluant à l'étranger, c'est Benzema, évoluant au Real Madrid. Et pour la Ligue 2, le meilleur joueur, c'est Charbonnier qui évolue à Brest. Le meilleur gardien, c'est Demarconnet au Paris FC. Le meilleur entraîneur, Gastien de Clermont. Le plus beau but, c'est Mwambe à Nancy. Et côté féminin, la meilleure joueuse, c'est Maronza qui joue à Lyon. Le meilleur espoir, c'est Katoto qui joue au PSG. Du côté de chez nous, en N2, Épinal s'est imposé 1-0 face à Feigny. Et en National 3, le derby entre Raon-l'Étape et Thaon-les-Vosges a été remporté par Raon-l'Étape 3-1. En Pro B, en basket, Nancy s'est imposé à Évreux 85-91. Un point sur les demi-finales des playoffs de NBA où Milwaukee mène la demi-finale 2-1 face à Toronto. Et les Golden State Warriors sont quasiment qualifiés pour la finale puisqu'ils mènent 3-0 face à Portland. Un mot de hockey sur glace maintenant avec tout d'abord les playoffs de NHL et Boston qui attend toujours son adversaire puisque Saint-Louis mène la demi-finale 3-2 face à San José. Et côté championnat du monde, eh bien deux défaites ce week-end pour l'équipe de France. Tout d'abord 6-3 face à la Slovaquie. À noter que côté tricolore, il y a eu le premier but inscrit dans un mondial pour Alexandre Texier et la défaite hier 3-0 face à la Finlande. Lors de cette rencontre, Damien Fleury disputait sa 68e rencontre de mondial. Il égale ainsi Laurent Meunier. Match décisif pour l'équipe de France. Ce sera cet après-midi contre la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne 0 points, la France 1 point. Une victoire, c'est 3 points. Le calcul est simple. Si la France gagne, on est maintenu dans l'élite. Si la France perd, eh bien, bye bye l'élite, on redescend. Allez, on est tous avec les Bleus. Allez, maintenant on fait un point tennis avec le tournoi de Rome côté féminin, la victoire de Pliskova en 2-7 face à Konta. Grâce à cette victoire, Pliskova devient la nouvelle numéro 2 mondiale. Rafael Nadal a enfin remporté un titre sur terre battue. Il est venu à bout de Novak Djokovic en 3-7, 6-0, 4-6, 6-1. Des nouveaux tournois cette semaine, notamment celui de Lyon, où il y aura un duel franco-français aujourd'hui entre Jérémy Chardy et Herbert, et Herbert affrontera Nuri. À Strasbourg, il y aura Parmentier face à Yastremska, Paquet opposé à Kenin, S à Wang, Garcia à Rogers. Et il y a également le début des qualifications pour le tournoi de Roland-Garros. Roland-Garros qui devra se passer de John Isner cette année. Il a déclaré forfait. Et alors aujourd'hui côté qualification, on retrouve que des Français. Müller affrontera Giannesi, Gaston sera opposé à Tronjuletti, Guinard affrontera Lacco, Tatlo sera opposé à Ito, Lestienne à Hoffmann, Dendley à Mo, Martino à Imer, Benchetrit à Cachin et Cornu Chauvin à Kellar. Et on termine cette actu avec du biathlon, des infos qui sont tombées ce week-end et notamment la fin de carrière de l'Allemande Laura Dallmayr, 25 ans. Elle avait dit qu'elle ne ferait pas une carrière très longue. Et bien voilà, ça y est, à 25 ans, elle met déjà un terme à sa très très belle carrière. Et on connaît la composition des équipes de France masculine et féminine pour la saison à venir. Côté messieurs, on retrouvera en tête de file évidemment Martin Fourcade avec Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieu, Antonin Guigonna et Émilien Jacquelin. Dans le groupe B, on retrouve notamment Aristide Beg ou encore Fabien Claude hein, qui sont venus dans le groupe A l'année dernière. Et côté jeunes juniors, on retrouve Émilien Claude. Et côté féminin, il y aura Célia Aymonier, Anaïs B. Justine Brezaz, Julia Simon et dans le groupe B, Chloé Chevalier ou encore Caroline Colombo. Voilà pour l'actu sportive, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, on marque tout de suite la dernière pause musicale avec les Bee Gees et le titre Stayin' Alive. Yeah.